5. Dolph, un matin, s'en va à la ville. Les cloches de mort sonnent grandes volées, et leurs glas se répondent à travers l'air, comme sur les naufragés, le cri rauque des goélands et des pétrels. Une longue procession s'enfonce sous le porche de l'église, et l'autel, tendu de noir, se constelle de la clarté des cierges brillants, comme des larmes dans des yeux de veuve. « Qui est trépassé dans la ville ?» demande Dolph à une vieille mendiante accroupie, le menton sur les genoux, au seuil de l'église. Un riche fils de famille, un homme de bien, Jacques Carnavache. Une petite aumône, s'il vous plaît, pour le repos de son âme. » Dolph ôte son chapeau et entre dans l'église. Il se cache derrière un pilier et voit le cercueil aux clous d'argent disparaître sous le noir catafalque. « Seigneur Dieu, dit-il, que votre justice se fasse. Pardonnez-lui comme je lui ai pardonné. » Et quand la foule se rend à l'offrande, il va prendre un cierge des mains de l'enfant de cœur et suit ceux qui font le tour des candélabres, grands comme des arbres, qui brûlent aux quatre coins du poêle. Puis il s'agenouille dans un coin obscur, loin des hommes et des femmes qui sont venus pour honorer la mémoire du mort. Il mêle ses paroles à sa prière. « Dieu, Père des hommes, pardonnez-moi à mon tour. J'ai sauvé cet homme des eaux. Mais le cœur m'a d'abord manqué quand j'ai vu que c'était le séducteur de Marie Egger, et j'ai senti le désir de la vengeance. Alors j'ai repoussé sous moi celui qui avait une mère et qu'il m'était réservé de rendre à sa mère. Je l'ai repoussé d'abord avant de le sauver des eaux. Pardonnez-moi, Seigneur, et s'il faut que j'en sois puni, ne punissez que moi seul. » Il sort ensuite de l'église et au fond de l'âme il pense: à présent, il n'est plus personne sur terre pour dire que l'enfant de Riegger n'est pas mon enfant. Hé, Dolph ! Lui crient des voix sur le quai. Il reconnaît ceux qui l'ont vu ramener à la rive, Jacques Carnavache. Ses rudes cœurs tremblaient pour lui comme des cœurs de femmes. Ils embrassaient ses genoux et lui disaient : Dolph, vous valez mieux que nous tous. Il était tout à coup tombé sur le pavé, mais il l'avait porté près d'un grand feu. Dans une cuisine d'auberge, lui avait chauffé l'estomac avec du genièvre. Il l'avait soigné jusqu'au moment où il s'était senti assez de force pour courir auprès de sa Riegger chérie. « Dolph ! » lui crie-t-il. Et quand Dolph se retourne, le vieux batelier le serre dans ses bras et lui dit « Mon cher fils, je vous aime comme si vous étiez né de moi. » Et les autres lui serrent les mains de toute leur force en lui disant « Dolph, nous ne mourrons pas sans avoir connu un vrai cœur de garçon. Et moi ?» « Camarade, fait Dolph en riant, je ne mourrai pas sans avoir bu encore avec vous plus d'une pinte à la santé du gros fiston que Riegger m'a donné l'autre nuit. » Ici se termine la Saint-Nicolas du Batelier de Camille Lemonnier.